On va parler de vélo de montagne. C'est le quotidien qui nous apprenait la semaine passée qu'il y avait qu'une équipe régionale qui a été fondée. C'est une équipe 100% régionale qui va participer à des courses de l'UCI, donc dès 2022. Et on va parler avec un des deux coureurs, c'est Victor Véraud de Saint-Félicien. Vous connaissez tous. Salut Victor! Bonjour. Victor, parle-moi un peu du projet. Comment ça se fait? Est-ce que ça fait longtemps que ça se parle? Ben, ça fait longtemps que ça se passe. Ça fait peut-être 2 ans qu'on regarde ça, là, pas nécessairement qu'on avait mis des choses concrètes, mais qu'on en parle, telle affaire, ça serait-tu possible? Tu sais, qu'on en regarde un peu, c'est comme pas un Ouais. rêve, mais tu sais, c'était pour nous autres, c'est quand même gros, là, faire ce qu'on a fait. Puis avant de se lancer vraiment dedans, puis d'avoir regardé, on n'était pas sûr si c'était faisable. Puis là, ben, en début, c'est plus là, au début de l'hiver que ça a commencé là, à vraiment brasser, qu'on a essayé de mettre. On a fait des tests en premier, là, t'sais, au lieu de faire un gros document de présentation, ben, on nous a dit, on va aller voir le monde qu'on connaît, on va lui proposer l'idée, puis on va voir à partir de là c'est quoi que les gens, t'sais, quoi qu'on en ressort, là. Si les gens sont positifs ou ben s'ils ont l'air à dire que ça va être difficile, t'sais. Fait que finalement, on a eu des grosses réponses positives en début de recherche de commanditaires, surtout, là, parce que c'est ça le nerf là, de la C'est ça, guerre, là. le dis-moi, c'est comme une nouvelle écurie dans le fond en course automobile. C'est à peu près la même affaire. Est-ce que le vélo de montagne, est-ce que tu dis on a fait des recherches, mais est-ce que des recherches ont été faites aussi pour la construction du vélo? Ben, présentement, c'est ça. Là, on n'est pas au début, pas encore. Au début, on se disait que le plus important pour nous autres, c'était de voyager mobile et âme, d'avoir un mécanicien. Puis toutes ces trois affaires-là, mettons, là, ça se fait juste avec de l'argent. Tandis que le vélo, qu'on ait deux marques différentes, on est quand même capable de faire nos courses, on est quand même capable de voyager, puis on est quand même. Fait que c'était comme plus en deuxième recours, puis là, on est plus là-dedans. Là, on a commencé la recherche de vélo, puis là, on essaie de trouver quelque chose parce que tu sais, c'est favoritateur d'avoir deux vélos pareils, avec des pièces pareilles, puis tu sais, pour les pièces de rechange, pour tout, c'est plus facile, puis La pour le recherche, mécanicien aussi. ça coûte-tu bien cher? Ça coûte-tu... Ben, tu sais, les vélos comme on a, ça coûte aux alentours de 15-20 000, Ouais, là. Puis on mais a tu sais, là, la on veut. recherche pour avoir le bon vélo. Je sais pas, je pose la Ouais. question là. Ben, c'est ça, faut essayer de faire soit affaire avec les marques de vélos directement, faut essayer d'avoir des contacts pour, tu sais, nous autres, notre but, ça serait de les faire commanditer au complet, d'avoir des vélos donnés par année, là. Fait que le but de tout ça, c'est d'aller chercher, d'essayer de parler justement aux marques de vélos, aux magasins de vélos qui fassent des contacts plus haut un peu, puis d'essayer d'avoir le plus de support possible. Dis-moi, si on parlait un peu pour toi et Léandre, ça va t'apporter quoi? Est-ce que c'est une stabilité? J'imagine que oui. C'est sûr que ton père, écoute, je te connais personnellement, ton père t'a aidé beaucoup, là. Mais là, avec les commanditaires et ainsi de suite, j'imagine que ça va t'aider. Encore ça aide de moins, j'imagine. Je te pose Bon, la oui, c'est ça. question, là. Exactement, tu as parlé de stabilité, là. C'est un des gros points de l'équipe, c'est que tous les contrats qu'on a signés présentement avec les entreprises qui nous commanditent, c'est un contrat sur 3 ans. Fait que, on est assuré d'avoir une équipe sur 3 ans, puis on n'a pas besoin de refaire la recherche de commanditaires durant les autres années. Puis ça fait justement, c'est une fiabilité, puis pour nous autres, c'est quelque chose de confiance, là. T'sais, on le sait qu'on a comme 3 ans, qu'on peut aller à l'avant pendant 3 ans, on n'a pas besoin de s'occuper des commanditaires, on fait juste s'entraîner. Fait que, tu sais, ça, en partant, c'est vraiment un gros plus, là. Puis, deuxièmement, ben, être avec Léandre, c'est vraiment, pour moi, c'est comme un rêve, là, tu Ben, c'est sais, ça que je parlais dans l'article du quotidien. Tu mentionnais exactement. que la chimie est bonne à part de ça, là. C'est ça, on s'entend super bien, on est deux gars de la même place, puis je pense qu'on se rejoint aussi, là, au côté de nos valeurs, puis tout ça. Fait que, c'est vraiment le fun, là, de faire affaire avec Léandre, puis il y a beaucoup d'affaires à me montrer, puis je pense que j'ai quelques petits conseils aussi que je peux lui montrer aussi, là. Fait que c'est vraiment, c'est donnant-donnant, puis c'est le fun d'être ensemble. Dis-moi, si on parlait un peu du budget, est-ce que c'est un budget qui est comparable aux grosses équipes? Aux grosses équipes, les grosses équipes, souvent, tu sais, comme là, des équipes UCI canadiennes, il doit y en avoir, je pense qu'il y en a 4 ou 5. En vélo de montagne, cross-country, il y en a, ben là, on est rendu la troisième, je pense qu'il y a comme, tu sais, ben, on en aurait 4. Il y aurait Canyon, Norco, Pivot. Tu sais, là, de ce que je viens de te dire, les trois autres équipes, c'est des noms de marques de vélo. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, les équipes, là, mettons Norco, là, ils peuvent avoir un 500 000 qui est donné par la marque de vélo. Fait que pour eux autres, c'est sûr que c'est vraiment facilitateur. Nous autres, on a comme une équipe privée, dans le fond. C'est une équipe comme je pense pas qu'il y a jamais eu avant, là. C'est une équipe qui n'a aucun commanditaire de vélo pour l'instant. On a réussi à faire notre budget seulement avec des crinqués, des passionnés qui n'ont pas Ah, c'est vraiment bon ça. de lien avec les entreprises et le vélo, là. Fait que. Dis-moi, si on parlait un peu maintenant du côté performance, est-ce que t'as dit, moi, Léandre est un mécanicien. Les autres années, t'avais pas le mécanicien? Non, exactement. C'est ça, là, cette année, c'est ça qui est le fun. On va avoir un mécanicien. Puis les autres années, comme je voyageais soit seul, soit parfois avec l'équipe du Aïe. Québec, ben on n'avait pas nécessairement le budget de se payer un mécanicien. Puis là, un mécanicien, ben, vu qu'on est deux, on n'a pas besoin de deux mécaniciens, là. T'sais, un mécanicien, ça fait l'affaire. Ça veut dire que c'est tout le prix, ben, c'est tout le temps divisé par deux à toutes les fois. Fait que l'argent qu'on a amassé est utile en double, quasiment vu qu'on est deux, là. T'sais. Fait que c'est ça qui. On peut se permettre d'emmener un mécanicien, puis peut-être bien une nounou ou un accompagnateur avec nous autres, là, pour le même prix que si j'aurais été tout seul, là. Fait que t'sais, c'est une différence énorme, là. Quand ça brisait, c'était toi qui réparais? Souvent, oui, on essayait de s'arranger avec les moyens du bord, ben on allait voir un magasin de vélo aux alentours là, qui parlait plus ou moins anglais ou plus ou moins français des fois, là. Fait Tu que. te sens-tu plus appuyé? Moi, je vais te dire une chose. Je vais comparer à. C'est quand même 13 ans là, que je suis le sport local et régional, là. Kevin Fortin-Simard, ça dit quelque chose? Ben lui, il a passé proche de la PGA. Puis Kevin, ce qu'on me dit à travers les branches, c'est que. Voyager seul à travers les États-Unis, quasiment tout seul, quasiment pas de coach, et ainsi de suite, ça a peut-être joué contre lui, là. Là, toi, là, puis Léandre Bouchard, vous êtes tous les deux, la chimie va être bonne. Vous dites que la chimie est déjà très bonne. Tu te sens-tu plus épaulé, puis ça devrait-tu paraître plus en course? Ben, je pense que tu as vraiment un bon point, là. Ouais. Tu sais, comme on disait, on s'entend bien. Puis, tu sais, c'est le fond. Je faisais du vélo avant, puis j'étais presque pas tout seul tout le temps, mais tu sais, j'étais pas souvent accompagné. On avait plus. Tu sais, une Tu fois, je devais partais avec un t'ennuyer, groupe. ça veut pas ça joue sur le moral aussi, là. Exact, c'est ça. Des fois, je partais avec un groupe, des fois, je partais avec un autre groupe. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps. Veux pas. Il y a beaucoup de monde dans le vélo, puis on peut pas tout être. S'entendre super bien avec tout le monde. Tandis que là, Léon, je m'entends super bien avec. Je pense qu'on est deux gars ultra positifs. Fait que, tu sais, deux gars positifs ensemble. Ça fait du positif pas mal. Fait que je pense que ça va être. Ça, c'est un gros point, là. Puis tout le temps voyager ensemble aussi, ben, c'est motivant d'avoir tout le temps la même personne. Puis ouais. Là, le méchant COVID, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est vu en personne à Saint-Félicien. Tu m'avais dit, regarde, il y a des épreuves. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça, il y a des épreuves Ouais. qui vont peut-être être annulées. Là, ça déconfine partout en Europe. Donc là, c'est quoi le programme pour les prochaines semaines pour Victor Véro? Ben là, pour les prochaines semaines, là, ça ressemble à traverser du lac Saint-Jean en fat bike, la Oui, course oui, oui, trio oui. 19 Et ça, février. là, c'est. Moi, c'est une épreuve que j'ai tellement confiance là, pour l'avenir. Ça a du potentiel, en tout cas, pour. Hein, ça a du potentiel. Mais comment tu entrevois ça, là? C'est complètement différent d'une compétition, là. C'est une bonne pratique, j'imagine. Ça doit endurer ça doit travailler sur l'endurance. Je sais pas, je pose la question. Ouais, exact. Ben là, avec la tournure de cette année, ça a comme été repris par la course Crio. Je Ouais. pense que c'est le fun un peu là, de joindre là, une source de financement pour les maladies puis tout ça à une épreuve comme difficile. Il faut travailler fort pour traverser le lac, mais il faut aussi un peu ramasser des sous pour le cancer et les autres organismes. Fait que, de cette façon-là, c'est le fun. Pis ça amène encore des gens, on dirait, qui ont plus de cœur, mais qui ont du cœur et qui font pour la bonne raison, là. Fait que de ce côté-là, c'est le fun. Puis c'est sûr que la traversée du lac, c'est jamais facile, là. Fait que, tu sais, c'est Tu 32 km, l'as-tu déjà puis ça fait? dépend des conditions, là. Tu l'as-tu déjà fait? Ça va être ma 6e fois, je pense, cette année. Ok. C'est ça. Moi, je connais des athlètes qui ont fait les deux, la nage, puis c'est aussi dur que. C'est probablement aussi dur que la nage que le vélo, là, ce qu'ils me Ben racontaient. moi, je nage pas. Ouais, je sais, Je là, suis tu peux meilleur pas sur le vélo qu'à comparer, la là. nage, là, mais Tu je peux pas trouve comparer, qu'ils. là. Ouais, non, c'est ça. Mais je trouve qu'ils font la nage. Ils ont peut-être un petit défi de plus parce que c'est juste que nous autres, admettons, ça peut durer au maximum 6 heures. Quand ça va bien, ça a déjà duré 1 heure et demie en année, là. Ça roulait 30 de moyenne sur la glace, puis il y avait un vent d'eau. Tandis que les nageurs, ben là, on parle plus d'un 8-10 heures quasiment, là. Fait que. Dis-moi, là, bon, là, c'est traversé. Après ça, Vancouver, par les années passées, t'allais dans l'ouest. Est-ce que tu recommences ça ou. Ça, j'avais regardé, c'était une possibilité, là, mais probablement qu'on va peut-être plus, justement, là, je vais commencer à voyager avec Léandre pour nos premières compétitions. Là, on en regarderait peut-être pour aller faire des compétitions là, en Europe là, début mars. Là. Fait que tout de suite après la traversée, on partirait peut-être 2, 3 semaines en Europe là, pour aller faire comme des courses de préparation pour la saison. Donc, c'est pas mal ça qui s'en vient, puis l'Europe par la suite. Ben, Victor, Exactement. très belle initiative. Le chien va bien en passant, mais les gens qui n'ont pas vu le chien là, à Victor et à son frère William, là, il est beau en maudit. Moi, je suis un grand maniaque de chien, j'adore les chiens. Hein. Il va bien ton chien? Ouais, il va super bien puis il grandit vite. Il a dit vite, ok. Ben voilà, donc c'était Victor Véraud de Saint-Félicien qui va participer à la nouvelle équipe régionale qui va se mettre en branle dès cette année.